Encore en ligne ? On dirait que votre curiosité est insatiable. C'était vrai. Brad s'était à nouveau connecté. Il voulait savoir si, après cette soirée du feu de Dieu, Pam et Claire étaient toujours là, à chasser. Il voyait la première en ligne. N'en avait jamais assez, pensa-t-il. De nouvelles rencontres ? Demanda la femme. Oui, de pas mal, répondit l'homme. Intéressante ? Si on peut dire, oui. Vous me racontez ? Mais n'est-ce pas un peu intime ? Oh, vous savez, j'en ai déjà tant entendu. Elle riait en lisant les mots de Brad, mais il s'imaginait quoi ? Que parce qu'elle était âgée, d'office elle était prude ? Je ne vais pas me choquer, vous pouvez y aller. Alors il lui raconta, avec un vocabulaire choisi, qui il avait rencontré, ce qu'il avait préféré, comment les jeunes femmes s'y étaient prises. Elle le laissait écrire, satisfaite qu'il se confie. Cela mettait comme un lien entre eux. En fait, c'était ce qu'elle préférait. Obtenir de lui qu'il soit à l'aise avec elle, même s'il ne se passait rien de réel. Elle se rendait à nouveau compte qu'il ressemblait à cet homme dont elle était éprise depuis des années. Le même genre de commentaires, du moins ce qu'elle imaginait qu'il dirait, et comment il réagirait. Elle était en train de réfléchir à cela quand il lui demanda si elle aussi elle avait rencontré des gens. « Tiens, il s'intéressait à cela !» se dit-elle. Oui et non. Ah, comment ça ? Une rencontre virtuelle et puis un autre rendez-vous qui a été trop vite à mon goût. Vous me racontez ? Oh, je ne sais pas si ça peut m'intéresser. Je vais vous faire un aveu. Elle était intriguée. Le virtuel, j'ai jamais tenté. Elle était médusée. Alors cet homme qui avait 20 ans de moins qu'elle, qui surfait sans doute depuis l'enfance, il n'avait aucune expérience du sexe connecté. Elle n'aurait jamais imaginé ça. Elle ne lui raconta pas tout, mais lui dit qu'elle aimait prendre du plaisir de cette manière et entendre que son partenaire jouisse en live. Elle aurait aimé prendre son pied avec lui comme ça, mais n'allons pas nous emballer. Elle ne parla donc pas de ses envies profondes. Ça me dirait de tester, lâcha Brad. Elle n'osa pas lui demander s'il envisageait la chose avec elle. Elle n'avait pas envie d'essuyer un refus ou de se retrouver blacklistée en étant trop rentre-dedans. Aucune de vos relations ne vous l'a proposé ? Osa-t-elle. Non, pas encore, mais c'est peut-être à moi de le faire. Vous en pensez quoi ? Elle avait envie de lui crier. « Moi, je suis là, tu n'as qu'un claquement de doigts à faire et on se connecte. » « Vous, si on vous demandait ça, vous accepteriez, bien sûr. » « Ça dépend. Ça dépend qui me fait la proposition. » « Comment ça ? » J'aime les hommes qui ne sont pas novices, mais qui ne branchent pas leur caméra tout de suite sur Skype. Et ça arrive ? Les hommes qui s'exhibent sans qu'on le leur ait demandé, mais bien sûr. Il n'écrivait plus, comme s'il était étonné qu'il voulait réfléchir à ce qu'il disait d'elle. Elle poursuivit. « Moi, je préfère entendre la voix, les bruits excités et aussi l'orgasme. Ça, pour moi, c'est très, très chaud, bien plus que les images. » Et vous savez à qui vous avez affaire, comme ça ? Quand on se connecte sur Skype, vous voulez dire ? Oui. Ça va vite. Quand un homme allume sa caméra et qu'il est déjà en train de se masturber, c'est en général parce que ça l'excite, lui. Je ne pense pas qu'il fasse ça pour vous exciter, dans un premier temps. Il pense vous offrir un cadeau. Mais moi, je ne ressens pas ça comme ça. La complicité, si on peut parler de complicité sur ce site... Je préfère quand ça commence simplement avec la voix parlée ou chuchotée, des mots murmurés, Ça, c'est sensuel. Elle pensa en avoir dit assez. Oui, bien sûr, elle aurait aimé que ce soit elle, mais elle n'allait pas se mettre en danger en lui proposant. Et si je voulais m'instruire, vous pourriez m'y coller ? Elle eut un sourire, un large sourire. Il ne fallait pas lui dire que, bien sûr, ce serait avec plaisir, et tout, rester prudente. Vous attendriez quoi, au juste, de moi ? Voilà, ça, c'était sans danger. Me donner des trucs, des ficelles, je sais pas, au juste, puisque c'est vous qui maîtrisez le sujet, et pas moi. Elle imaginait à présent qu'ils étaient face à leur webcam et qu'ils se parlaient. Non, ce serait trop beau. Il ne fallait pas se gaspiller, sinon il ficherait le camp, directement. Et puis la webcam, c'était pas trop son truc. Vous préférez pas, c'est ça ? Il semblait déçu. Si, si, on peut prévoir un petit décollage, comme vous dites. Quand ? Tout de suite ? Elle était prise de court. Mais oui, pourquoi pas, au fond ? Pourquoi pas ? On va sur Skype alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mon adresse, c'est jazzwoman@hotmail.com. Ok, moi, ce sera Brad. Je vous envoie une invite et ça roule, je vous attends. Voilà. Ils étaient en ligne tous les deux. Elle accepta son invitation et commença en lui disant qu'il valait mieux ne pas brancher les caméras tout de suite. On fait quoi alors ? Il devait être étonné. On parle, juste avec les doigts. On peut se tutoyer, d'abord. Ce serait un signe de « je vous connais » ou alors on reste dans le vouvoiement simplement pour montrer à l'autre qu'on le respecte, qu'il n'est pas un objet. Vous voyez ? Ça dépend de quoi, ça ? De demander de tutoyer ou pas ? De là, je pense, mais je vous avoue que je ne suis pas certaine que ce soit la raison, en fait. Ok. On continue comment ? Comme on ne se voit pas, il faut dire à l'autre ce qu'on ressent, comment on se sent. Bien sûr, si c'est juste pour jouer, pas besoin de raconter sa vie, mais en général, les échanges de ce genre, ça n'a pas le même goût. Pour jouer, vous voulez dire ? Oui, voilà. Mais moi, je veux jouer. Elle se sentait frétiller, mais l'a retenue. Toujours cette fichue retenue, simplement parce qu'elle s'imaginait que l'homme avec qui elle était en train de parler de drague sur le net était celui qu'elle adulait depuis des années. Ne pas perdre pied, surtout. Eh bien, entamons les choses, alors. Elle allait y aller. Tant pis, elle le sentait réceptif, et puis c'était lui qui avait demandé d'en apprendre plus avec elle. D'abord, tu vas chercher dans tes souvenirs. Tu parles de ce qui t'excite profondément chez une femme. Comme les yeux, les seins, ce genre de truc ? Oui, exactement, et tu poses des questions sur ses attributs précis. Et surtout, tu ne dis pas « Ah, mais moi, je préfère autrement ». Non, tu laisses parler ta partenaire. Et si je me rends compte que c'est tout à fait différent de ce que j'aime ? Surtout, tu ne dis rien. Enfin, si, plutôt, tu dis quelque chose du style « ça doit être chouette à toucher » ou « joli à regarder » ou « excitant » ou « tu vois ?» Oui. Et aussi, et surtout, tu n'écris que des phrases courtes. J'ai parfois eu affaire à des hommes qui pensaient me séduire en m'écrivant des tartines alambiquées remplies de métaphores. Au final, quand t'as décodé le truc, tu t'es tellement creusé que toute envie s'essiole. T'es une chouette prof. Oh, il était passé au tutoiement. Elle était heureuse. Avait-il envie d'en savoir plus ? Elle se félicita du tour que les choses prenaient. Il ne fallait pas faire le moindre faux pas. Sinon, ce serait fatal à leur bonne relation. Autre chose ? Oui. Comment je dois faire pour pouvoir la regarder ? Ça, c'est une question de feeling, tu sais. Il y en a qui sont prudentes, qui ne veulent pas se dévoiler trop vite. Je me souviens du premier avec qui j'ai chatté comme ça, juste des mots. Et avant qu'on arrête de converser, un soir, il m'a juste dit « Je voudrais voir votre ombre ». J'ai trouvé ça charmant. Pas exagéré, et puis, il ne m'avait pas demandé de me montrer nue ou un truc du genre. « Et tu as fait quoi ?»« Oh, j'ai simplement envoyé la photo qui est sur mon profil Facebook. J'y suis de profil, j'ai les yeux rêveurs, c'était en vacances et j'étais bronzée, mais on ne voyait que mon visage. Et ?» Il m'a dit que j'étais très jolie et que la photo lui plaisait, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, il m'a envoyé une photo de lui, bien plus osée. Cela m'a saisie et je lui ai écrit tout de suite « Oh non !» Mais il était déjà déconnecté. Le lendemain, je lui expliquais que cela m'avait fait peur. Il était choqué. Non, il m'a dit qu'il comprenait et que si je voulais le voir, il suffisait que je le lui demande. Donc, je lui demande si je peux voir à quoi elle ressemble. Mais j'attends la presque fin de la conversation. Oui, c'est ça. Surtout, tu ne la presses pas. Et tu lui envoies ta photo à toi, histoire qu'elle voit comment tu es. Et si les photos se croisent, c'est encore mieux. Mais bon, comme tu as mis une photo sur le site, normalement, elle s'est déjà fait une petite idée. Et au deuxième échange, ça va plus vite ? Oui. Oui, oui, vous vous retrouvez comme de bons potes. Tu lui dis que t'as rêvé d'elle, même si c'est pas vrai. Et si elle te demande de quoi elle retourne, tu lui dis que c'était une histoire de conversation sur Skype et que là, maintenant, tu as envie de savoir si elle est OK pour continuer éventuellement aller plus loin. OK, je vais tenter. Et il y a moyen de prendre son pied comme ça ? Mais oui, sans problème. Toi, tu sais ce que tu aimes. Enfin, tu sais la manière dont tu dois te caresser pour arriver à l'orgasme. Elle, elle le sait pour elle, sans doute aussi. Ce n'est pas à elle que tu vas faire l'amour, c'est à toi. Quoi que tu puisses en penser. Tu pourras lui suggérer certaines choses, mais si elle prend moins de plaisir à faire ça qu'à se masturber comme elle en a envie, elle reprendra ses habitudes. Pas besoin de faire ce que l'autre te dit de faire. Juste lui montrer que ça t'excite d'être connecté avec elle qui est si chaude. Parce que tu l'es aussi et que ce que tu cherches, c'est à prendre ton pied. Tu vois ? Oui. Oui, je vois mieux en effet. En fait, c'est comme quand on regarde un film de boules. C'est exactement ça. Allez, je te laisse. Il faut que je m'entraîne d'ici le prochain cours. Elle sut qu'elle venait de remporter une petite victoire. Elle était heureuse. Elle coupa sa connexion. Lui. Elle est un bon prof. On voit qu'elle maîtrise le sujet. Je me demande combien de relations virtuelles elle a déjà eues. Elle ne fait pas de chichi. Elle est claire. Bref, un cours à mettre en application rapidement. À moins que je n'attende qu'elle se connecte à nouveau, histoire d'être vraiment au point quand je passerai à l'action avec quelqu'un qui me plaît, et surtout qui a mon âge. Eux. Ils se retrouvèrent deux ou trois jours plus tard. Il n'osa pas lui avouer qu'il n'avait pas testé sa technique de drague sur Skype. Elle ne lui posa pas la question non plus. Elle avait peur qu'il se referme comme une huître s'il avait essuyé un échec. Salut, tout va bien ? Ce fut lui qui engagea la conversation. « On va sur Skype ? » poursuivit-il. Il semblait pressé de la retrouver par là. Sans le doute, voulait-il lui confier le résultat de son écolage. C'est vrai, cette manière de dialoguer était plus aisée. Elle était allée jeter un coup d'œil de temps en temps sur Skype, mais il n'était pas connecté quand elle s'y trouvait. « On passe au cours pratique ? » ?»« Si tu veux, évidemment. » répondit-elle. C'est elle qui continua. Du tac au tac, elle lui demanda s'il avait bien dormi après leur échange. Il lui répondit que oui, qu'il avait rêvé d'elle. À sa question, c'était à quel sujet ? Il dit que l'écolage lui avait plu et qu'il se demandait si elle avait fait le même genre de rêve un peu coquin. Ah oui, il l'avait bien retenu. Oui, je t'avoue que moi aussi ça m'a troublé, notre conversation. Troublé, comment ? Je me suis réveillée frissonnante et j'avais envie d'entreprendre mon mari de manière un peu coquine. Ah, à cause de moi, ça ? Grâce à toi, plutôt. Mais tu ne m'as jamais vue. Je peux peut-être t'envoyer une photo ? Avec plaisir. Elle choisit un cliché qui avait été pris par son mari en vacances, mais c'était en hiver cette fois. On ne voyait que la moitié de son visage, elle portait un petit chapeau. Elle semblait heureuse. Elle souriait, mais fronçait un peu les sourcils, comme si elle était éblouie par le soleil. Il reconnut le pont des soupirs et sourit. « C'est joli, Venise. Tu connais ?»« Un peu, oui. J'y suis allée 2 ou 3 fois. J'aime bien. Mais pas trop les autoroutes à touristes. Tu vois de quoi je parle, évidemment. »« Évidemment. » Elle trouva que les choses s'engageaient bien. Elle attendrait encore un peu qu'il approche. Tu penses quoi de ma photo ? Tu fais pas ton âge. Je sais que je suis encore pratique, mais franchement, si je peux me permettre, j'aurais jamais dit que tu... Enfin, tu vois. C'est vrai que la photo datait un peu, mais elle se garda bien de lui dire. Il valait mieux qu'il continue d'imaginer qu'elle était moins vieille physiquement que sa mère à lui. Arrête un peu de me flatter. Non, c'est vrai. On dirait que tu as l'âge de la plus jeune sœur de mon père. Elle a 10 ans de plus que moi. Il est l'aîné de 4 enfants et elle, c'est la dernière. Il y a 15 ans entre eux. Elle souriait en le lisant. Si elle pouvait être sa tante. Quoiqu'avec une tante, on ne tente rien, pensa-t-elle. Mais cela lui fit plaisir. Juste le fait de se permettre d'imaginer que... Elle se dépêcha de chasser ses idées et reprit l'écriture de sa phrase suivante. Avant qu'elle ait eu le temps de la poster, Brad l'avait devancée. « Tu te sens bien, là, à parler ?» Oh oui, qu'elle se sentait bien. Elle effaça sa phrase et lui répondit qu'elle était sereine. « Juste sereine ?» Qu'est-ce que tu sous-entends ? Pas un peu excitée ? Bien sûr qu'elle l'était. Mais pas parce qu'il lui avait écrit quoi que ce soit d'excitant. Juste parce que c'était lui, celui qui ressemblait tellement à son amour. Il faudrait pour cela que toi, tu te montres un peu plus chaud. Dans tes mots, j'entends bien. Parle-moi de ce que tu ressens. Eh bien, pour tout dire, je sais bien que c'est un jeu et que je suis en écolage, mais moi aussi je me sens bien. Il y a comme une chaleur qui monte. D'ailleurs, tu vas rire, je suis presque sûre qu'on est rouges tous les deux. Tu me montres ta tête, histoire que je vérifie ? Comme il était habile. Sans hésiter, elle répondit à son invitation de conversation Skype. Et c'est là... que le visage de Brad s'encadra en grand sur son écran. Elle ne s'était pas trompée. Il ressemblait vraiment à celui qu'elle chérissait depuis toutes ces années. Il avait les mêmes petits cheveux un peu fous, ses sourcils fins et ses longs cils. Ses prunelles étaient bleues, pas vert écume. Il portait aussi la barbe. Son regard était doux, mais lumineux aussi. Et son visage très mobile. Elle ne s'était pas trompée. Mis à part la couleur des yeux, le reste correspondait vraiment. Quant à lui, ce qu'il pensa, outre le fait qu'elle ne faisait pas son âge, c'est qu'elle avait un regard curieux, mutin et charmant. Il fut très satisfait de son échange. Bien sûr, on n'en était pas encore arrivé à l'orgasme, mais était-ce l'essentiel ? Avec cette femme-là ? Elle. Oui. Oui, j'ai senti le désir entre mes jambes. J'ai senti cette bouffée de chaleur tout à fait indépendante de mes hormones de femme ménopausée. Oui, j'ai senti que cette situation précise avec cet homme pouvait me faire oublier un peu mon amour pour celui qui lui ressemble tant. Il est assez doué. Normal, Il n'est pas bête. Je n'ai pas envie de le faire parler de ses amours, de ses espoirs, juste profiter de ces quelques moments où on est connecté. Pas qu'avec les doigts, avec la tête aussi. C'était délicieux, vraiment. Il a mis quelque chose en moi qui m'a fait du bien. Il a semé sans le savoir des graines de désir au creux de mon ventre. Il suffit d'arroser maintenant, au propre comme au figuré. E. C'était la troisième fois qu'il se connectait sur Skype. Les collages de Brad continuaient gentiment. Elle se demandait si un jour ou l'autre, ils iraient plus loin, comme l'homme l'espérait. Il jouirait en ligne, que ce soit grâce à elle ou à une autre. Elle s'était connectée juste après qu'il lui ait dit bonjour via le site de rencontre. « Bonjour, cher professeur. »« Oh mais non, tu es en train de me rattraper, question virtualité. Tu fais mieux que de te débrouiller, tu sais. »« On peut poursuivre aujourd'hui ?»« Par quoi ?»« De la pratique, tiens. »« Tu ne préférerais pas quelqu'un d'autre ?» De ton âge, je veux dire. J'ai peur que ça tourne mal. Ah, mais pourquoi ça arriverait, ça? Et puis, qu'est-ce que tu appelles mal tourner? Ben, que je ne prenne pas mon pied ou qu'elle me remballe, tu vois? Eh bien, lance-toi. Par quoi tu penses devoir commencer? Tu es chaud? Un peu. Un peu comment? Tu veux qu'on branche les micros? Oui. L'avertissement sonore que quelqu'un veut converser avec vous et elle décrocha immédiatement. Les webcams n'étaient pas allumées, juste le son. Elle entendit le bruit d'un fauteuil qui roule un peu. Tout va bien? Murmura-t-elle, un bras inquiète. Oui, oui, je prenais un peu de distance par rapport au clavier, dit-il, rassurant. Pour te mettre à l'aise? Oui, voilà, c'est ça. À nouveau, ses pensées profondes à elle. Ne pas se presser. Et surtout, ne pas oublier qu'il était son élève, même si dans son corps, ça pulsait autrement. Si elle avait eu affaire à quelqu'un d'autre, les choses auraient été plus faciles, moins ambiguës. Elle aurait foncé. Mais ici, où était la limite ? À partir de quand devrait-elle le considérer comme un amant potentiel et mettre le paquet? Peut-être ne devrait-elle pas penser à cela, se dire qu'il serait toujours son disciple. C'est un peu drôle de penser ça. Ça faisait biblique, mais quelque part, elle se sentait investie d'une mission éducatrice. Et ça, pour elle, c'était sacré. Et merde, encore une histoire de religion. Elle se prit à penser que cette histoire, cet homme, ils étaient divins. Donc, tu es à l'aise là? Oui. Dis-moi comment tu es habillée. C'est important ça, ce qu'on porte? Oui. À toi de choisir. Soit tu réponds sincèrement ou alors tu enjolives histoire de faire monter la chaleur. De toute manière, tu ne saurais pas si je dis vraiment comment je suis fringuée. Voilà. Toi, tu racontes des cracks? Ça m'arrive, oui. Tu enjolives, comme tu dis. Non, j'essaye de me conformer à ce que mon interlocuteur souhaite. Tu es une gentille alors. Une attentionnée, plutôt. Et là, tu portes quoi? Il avait fait un clin d'œil que bien sûr elle ne vit pas. Il se demandait si, dans le fond, elle avait envie d'être sincère avec lui ou juste attentionnée. « Oh ben, c'est tout bête. Une robe rouge décolletée et j'ai les jambes nues. »« Et sous la robe ?»« Rien. » Ce n'était pas vrai. Elle voulait juste qu'il lui dise « Mais non, c'est pas vrai, je te crois pas. » Brad ravala sa salive. « Ça, ça m'étonnerait. » « Quoi ?» Que tu sois nue. Ah bon? Et pourquoi, je te prie? Elle avait pris une voix genre « Mais enfin, sale gosse, tu ne contredis pas, s'il te plaît. Ce ne sont pas des manières avec sa prof de virtuel. » « Parce que je te pense plus correcte que ça. » Ça, c'était justement pas la chose à me dire. Enfin non, ce n'est pas ce que je veux dire. Si ta complice te dit qu'elle est nue, même si tu penses qu'elle veut te faire marcher, tu lui donnes l'impression que tu es flattée. Pas qu'elle est une aguicheuse ou quelque chose du style? Non, sauf si c'est le cas, qu'elle te chauffe, mais ici, entre nous, c'est différent. C'est vrai, t'as raison. Elle le sentait piquer. On peut continuer tout de même? Lui demanda-t-il un peu penaud. Mais oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et si je dis... Oh, eh bien, tu ne sembles bien lancée. Ça va, ça? Mais oui, que ça va. Allez, ne sois pas stressée, tu te débrouilles très bien. La conversation continua avec des faux pas, des hésitations. Elle le sentait de plus en plus adroit. C'était plaisir pour elle d'être son initiatrice au jeu virtuel. Et même si elle savait que c'était juste pour apprendre, l'excitation montait de chaque côté. Tu me donnes envie, lâcha-t-il une vingtaine de minutes plus tard. Oui ? Oui, j'ai envie de me branler. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Que ce qu'il fallait, c'était que j'ai envie de me faire plaisir. Oui, bien sûr. Eh bien, j'ai envie de ça. Ça ne te dérange pas ? Non, bien entendu, c'était le but de nos cours, non ? Alors, toi qui m'école depuis quelques jours, tu peux faire quelque chose pour moi ? Dis toujours. Là, ça bouillait vraiment. Elle était pratiquement sûre qu'il allait lui demander de lui parler de choses bien précises qui lui auraient donné plus envie encore de se masturber. Alors voilà, t'imagines que tu es en ligne avec un de tes amants virtuels et tu me parles comme avec lui. Tu serais d'accord ? Oui, dit-elle d'une voix étranglée. Oui, je suis d'accord. Je vais ouvrir mon jeans et prendre ma... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Et moi ? Je vais me toucher aussi et tu vas entendre que je prends mon pied, si ça ne te pose pas de problème. L'un comme l'autre commença de se caresser, chacun de son côté. Elle, la bouche pratiquement collée au micro de son ordi portable, et lui, elle n'en savait trop rien. Mais elle l'entendait bien. Elle lui susurrait qu'elle faisait promener ses doigts contre son pubis, qu'elle cherchait son bouton, qu'elle avait envie de le voir, lui, en train de se branler, qu'il devait être dur. Lui, il soupira, tout en faisant couler sa main autour de son sexe. De temps en temps, il s'arrêtait et lui disait qu'il se sentait bien. Il aimait se caresser et que le fait de l'entendre le troublait fameusement. Et puis, tout se passa très vite. Elle était si excitée que le mouvement de sa main provoquait des flop-flop. Deux de ses doigts dansaient en elle, ils avaient presque atteint son point G, et elle était en train de se liquéfier. Elle commença d'halter. « Vas-y, vas-y, plus vite. Je sens que je vais venir. Et toi ? » ?»« Moi aussi. Surtout, ne t'arrête pas quand je jouirai. »« Oh non, je suis trop bien lancée, » murmura-t-il d'une voix sourde. « Voilà, ça y est. Je... Oui, oui, c'est bon. » C'est tellement bon. Elle l'entendit à son tour soupirer et gémir. Il ne disait rien, juste des petits bruits retenus. Et ensuite, simplement, un merci très doux. Il n'était pas vraiment démonstratif, ce monsieur. Lui. Elle n'avait pas menti, c'est vraiment une question de plaisir individuel et très personnel. Et c'était tellement bon. Je me demande comment elle a vécu la chose. Et si j'étais un bon coup, virtuellement. Elle. Repue. Et cela m'arrive rarement. À présent, sans doute l'idée que je suis en ligne avec cet homme que j'aime depuis si longtemps. Que dire d'autre ? Je n'ai pratiquement pas entendu son plaisir quand il a joué. Il est fort discret tout de même. Enfin, je sais qu'il a pris son pied, c'est ce qui compte. On verra s'il insiste pour un autre échange de ce type avec moi.